Le lendemain, au cours de la veillée funèbre du voisin mort peu avant, Colomba, en chantant une ballade à improviser en l'honneur du mort, s'efforce de ranimer chez Orso et les voisins la flamme vengeresse en faveur de leur propre père. Chargé de remettre à Orso une lettre de Lydia, le préfet d'Ajaccio, pour l'occasion, il doit loger chez l'avocat Baricini, à l'époque maire de Pietranera. Le préfet, donc, tente une première fois de réconcilier Orso et Colomba avec les Baricini avant de se rendre précisément chez les Baricini. Orso lit ensuite la lettre de Lydia qui lui annonce son prochain passage à Pietranera avec son père. Elle lui fait promettre d'être raisonnable car le préfet leur a donné à son père et à elle des preuves de l'inanité des accusations portées contre les Baricini. Soulagé, charmé, le jeune homme va se coucher tandis que sa sœur passe la nuit à lire de vieilles paperasses.